The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Indian Summer. L'été indien. Quebec. Le Québec. Report. Le reportage. Tree. L'arbre. To change. Changer. Landscape. Le paysage. Stroll. La balade. Forest. La forêt. To witness. Assister à. St. Lawrence River. Le Saint-Laurent. Now, a bit faster. Forest. La forêt. Landscape. Le paysage. Indian Summer. L'été indien. Landscape. Le paysage. Stroll. La balade. Landscape. Le paysage. Quebec. Le Québec. Indian Summer. L'été indien. Quebec. Le Québec. To change. Changer. St. Lawrence River. Le Saint-Laurent. Stroll. La balade. Report. Le reportage. St. Lawrence River. Le Saint-Laurent. Quebec. Le Québec. To witness. Assister à. Forest. La forêt. To change. Changer. Report. Le reportage. Now, use the words in context. Changer. Change your shoes. Change de chaussures. Le paysage. I'm enjoying the scenery. J'admire le paysage. La balade. The whole family took a stroll this afternoon. Cet après-midi, ils ont fait une balade en famille. Assister à. I'd like to see the sunset on the beach. J'aimerais assister au coucher du soleil sur la plage. Le paysage. I'm enjoying the scenery. J'admire le paysage. La balade. The whole family took a stroll this afternoon. Cet après-midi, ils ont fait une balade en famille. Assister à. I'd like to see the sunset on the beach. J'aimerais assister au coucher du soleil sur la plage.